Maintenant, comment dit-on « je vais rester à la maison car je suis très fatigué »? Je vais rester à la maison. Ich werde. Ich werde. Zu Hause bleiben. Bien. Ich werde zu Hause bleiben, car je suis très fatigué. Denn. Denn. Je suis très fatigué. Ich bin sehr müde. Denn ich bin sehr müde. Ou avec weil. Parce que je suis très fatigué. Weil ich sehr müde bin. Bien. Weil ich sehr müde bin. Comment dit-on « je suis très occupé » ? Ich bin sehr beschäftigt. Beschäftigt. Bien. Beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Et je ne peux pas le faire aujourd'hui, car je suis très occupé ? Ich kann nicht. Je ne peux pas le faire. Ich kann. Ich kann es. Aujourd'hui. Heute nicht. Faire, c'est un tout petit mot. Tun. Tun. Bien. Ich kann es heute nicht tun, car je suis très occupé. Denn. Denn ich. Je suis. Ich bin sehr beschäftigt. Bien. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Ich kann es heute nicht tun, car je suis très occupé. Denn ich bin sehr beschäftigt. Et comment diriez-vous « je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que, weil, je suis très occupé » ? Ich kann es aujourd'hui heute nicht tun. Tun. Ich kann es heute nicht tun. Parce que je suis très occupé. Weil. Weil. Ich. Sehr beschäftigt. Beschäftigt. Bin. Ah, bien. Parce que je suis très occupé. Redites-le encore une fois. Parce que. Weil ich. Bien. Weil ich sehr beschäftigt bin. Comment dira-t-on parce que je serai très occupé? Je vais être très occupé. Utilisons d'abord denn. Car je vais être très occupé. Denn. Denn. Je vais être. Ich werde. Ich werde. Très occupé. Sehr beschäftigt. Sehr beschäftigt. Et enfin, être. Sein. Sein. Tout à fait. Denn ich werde sehr beschäftigt sein. Et maintenant, reprenons la même phrase, mais avec parce que. Parce que je serai, je vais être très occupé. Weil ich sehr beschäftigt sein werde. Bien. Weil ich sehr beschäftigt sein werde. C'est bien cela. Donc, je serai très occupé se dit ich werde sehr beschäftigt sein. Mais avec weil, le verbe associé à weil est placé à la fin. On a donc ici werde qui est rejeté à la fin de la phrase. Weil ich sehr beschäftigt sein werde. Et maintenant, comment diriez-vous car je ne peux pas rester avec vous ce soir? Denn ich kann nicht mit Ihnen. Mit Ihnen. Heute Abend. Heute Abend. Bleiben. Oui. Denn ich kann mit Ihnen heute Abend nicht bleiben. Car je ne peux pas rester avec vous ce soir. Et avec weil? Parce que je ne peux pas rester avec vous ce soir, se dirait? Weil ich nicht mit Ihnen heute Abend bleiben kann. Bien, weil ich mit Ihnen heute Abend nicht bleiben kann. Comment diriez-vous « je peux vous le dire »? Ich kann es Sie sagen. Vous dire ici a le sens de « à vous ». Dire à vous. Ihnen, ich kann es Ihnen sagen. Ich kann es Ihnen sagen. Et maintenant, comment diriez-vous « je ne peux pas vous le dire » ? Ich kann es nicht Ihnen sagen. Oui, mais on dira plutôt « ich kann es Ihnen nicht sagen ». Je ne peux pas vous le dire. Et je ne peux pas vous le dire maintenant. Ich kann es Ihnen... Maintenant, pensez aux paillettes. Paillettes, stop. Ah oui! Jetzt! Nicht sagen. D'accord, mais redites-le encore une fois. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Ich kann... Ist... Reprenons. Ich kann... Je ne peux pas vous le dire maintenant. Ich kann es Ihnen... Ihnen... Ich kann es Ihnen... Maintenant... Jetzt... Jetzt... Nicht sagen. Bien. Ich kann es Ihnen... Jetzt nicht sagen. Car? Denn? Denn? Oui. Car je ne le sais pas. Denn? Ich verstehe nicht. Ça c'est je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ich weiß nicht. Denn ich weiß nicht. Je ne le sais pas. Ich weiß nicht es. Ich weiß es nicht. Denn ich weiß es nicht. Bien, denn ich weiß es nicht. Et comment diriez-vous parce que je ne le sais pas? Weil ich es nicht weiß? Bien, weil ich es nicht weiß.